Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Et oui, encore et toujours un Blues Covers consacré au pop rock dans le blues. On en est à la, oh je ne sais plus, tellement il y en a, on ne compte plus quand on aime. Eh bien voici Freddie Miller. Vous savez, c'était le chanteur de Shake Your Hips, bien sûr. Eh bien Freddie Miller and the Blues Steelers, maintenant, nous propose un album qui est paru en 2017 qui s'appelle My Blues, et dessus il y a le fameux Superstition de Stevie Wonder que vous avez déjà entendu dans des précédents blues covers par d'autres artistes. C'est un morceau qui plaît bien chez les bluesmen, on dirait. Fred Miller en 2017, Freddie Miller, pardon. Superstitions writing on the wall. Fairy superstitions, letters by the fall. That amounts of baby. And the way very superstitious, wash your face and hate. Run me out the problem. Do all that you can. We'll be right back. Do the Dirt a publié un album en 2017, eux aussi, qui s'appelle Useful Junk. Un album très intéressant avec une ambiance un peu glauque, comme la pochette. Une pochette, moi, qui me fait penser aux séries belges, genre Zone Blanche, vous voyez, oulala, il y a un chien, on se demande ce qu'il fait là, et puis dans le fond, on aperçoit des maisons, une lumière blafarde. Une ambiance de série noire, avec une reprise de Can't Be Satisfied, excellente, mais là, on est dans le pop rock, donc c'est pas ça que je vais vous passer. C'est plutôt Money, un rock repris par beaucoup d'artistes, hein, même les Beatles, les Stones. C'est une composition de Barrett Strong, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Et c'est Do the Dirt qui s'y colle en 2017 sur l'album Useful Junk. Blues duo, c'est Xavier Pillac et Antoine Escalier. Moi, j'adore ces gars. Ça fait une vingtaine d'années que je les suis à travers leurs différents projets. Hein, ça avait commencé par le Xavier Pillac Blues Band, et puis après Pillac en formation Big Band, et puis maintenant en duo électrique. C'est super. Hein, Antoine à la basse et puis à la foot drum. Il fait un travail incroyable, et puis Xavier au chant et à la guitare. Voici une version de Chuck Berry, 13 Question Method. Je ne connaissais pas ce morceau et c'est vachement bien. Electric Blues Duo en 2017. The 13 question matters you want to use. The 13 question matters I want to use. 13 question matters you want to use. If you wanna have some fun, 13 question matters you want to use. Question number one, you wanna have fun. Question number two, what to do. Question number three, wish to number three. You wanna go out, get a burger with me. The first 10 question matters, won't to use. Question number five, don't give me no jive. Question number six, don't try no tricks. Question number seven, I'll pick you up at a quarter to 11. Question number eight, it's a date. The first 10 question matters, the one to use. The first 10 question matters, the one to use. First 10 question matters, the one to use. If you wanna have some fun, first 10 question matters, the one to use. Question number nine, where to dine? Question number ten, can we get in? Question number 11, gonna be just lovely heaven, babe. Question number 12, get by yourself. The first 10 question matters, the one to use. The first 10 question matters, the one to use. Question matters, you want to use. If you wanna have some fun, 13 question matters, you want to use. If 13 question matters, you want to use. If 13 question matters, I want to use. 13 question matters, you want to use. If you wanna have some fun, 13 question matters, you want to use. Question matters, you want to use. For 10 question matters, I want to use. For 10 question matters, you want to use. If you want to have some fun, for 10 question matters, I want to use. En 1969, j'étais disc-jockey. Oui, on disait pas DJ, on disait disc-jockey à l'époque, dans une boîte à Paris, près de l'Opéra. Et il y avait un gros tube qui s'appelle Spirit in the Sky par Norman Greenbone, qui faisait la joie des danseurs. En 2017, c'est Bootleggers, le groupe orienté country de Monsieur Didier Serré. Et puis sur cet album, il y a plein d'invités, hein, comme Neil Black, Rusty Burns, etc., etc. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Sur la pochette, ça ne rigole pas, ils sont habillés avec leurs plus beaux habits de cow-boy. Et ils vous proposent sur l'album Southern Roads, publié en 2017, la version de Spirit in the Sky, Bootleggers. Thank you. in a limit to rest. Gotta go to praise that's best. We're not ending time to die. Going up to the spirit in the sky. Going up to the spirit in the sky. That's where I'm gonna go when I die. When I die, let me to rest. Gonna go to the place that's best. Check yourself, you know it's a must. Got out a friend named Jesus. So you know that when you die, gonna reckon on the spirit in the sky. Going up to the spirit in the sky. That's when I'm gonna go when you die. When you die, I'll lay you to rest. Gonna go to the place that's best. Robert, oh, est-ce que je vais encore vous les présenter? Oui, c'est Phil Bonin et Phil Rubio, mais avec les bonnes versions qu'ils proposent sur leurs deux CD, on les entend souvent dans mon émission Blues Covers. Bon là, ça sera en 2017, c'est leur version de Chevrolet, une compo de Taj Mahal sur leur album. Moi, ça me fait aussi penser à Donovan avec Egypt. The Bone Rebels, Chevrolet. Buy you a Chevrolet. Thomas Doucet est la révélation du tremplin Blues sur scène 2018. Et à cette occasion, il m'a donné son CD, Thomas Doucet and the G-Lights, qu'il a enregistré en 2018. Et dessus, il y a une formidable version de Jealous Guy à la sauce un peu soul, puisque Thomas Doucet est un soul man. Ai-je besoin de préciser que Jealous Guy est une composition de John Lennon ? Voici la version de Thomas Doucet and the G-Lights. Et après John Lennon, voici les Rolling Stones avec Manu Lanvin en 2019, c'est-à-dire c'est tout frais, tout chaud. C'est son dernier disque qui s'appelle Grand Casino, une très belle réussite, avec une autre reprise que je vous ai déjà passée, c'est Highway to Hell de AC/DC. Mais là, c'est le fameux I Can't Get No Satisfaction par Manu Lanvin and the Devil Blues. Et comme c'est la fin de ce Blues Covers, je vous dis bye bye et à la prochaine. Manu Lanvin. radio. C'était l'émission Blues Covers. Bonsoir.